Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday. people.

Snake, Fanen. Ok, maintenant. Faut traduire ça. Et si nous allions tous au Danemark? Let's go. On va aller. Je pense que ça veut dire c'est comme des serpents. Vider l'esprit. Og, Yeg, Abor, Tet, Loser, Sik, Imorgen. À demain. Danemark. Harry. Rémi, tu as un jambon. Campé. Danemark. Je suis bourré, moi. Je vais aller. T'es bourré. Fumé du jus. J'avais le mot qui m'échappait. T'as fumé du verre. T'as envie de voyager. Fumé du verre. Tu souhaites quitter la ville. C'est de l'eau. T'as fumé du verre. Vieux frère. T'as fumé du verre. Cette planète. Mes soeurs. Tu veux quitter la ville pour te retrouver. En liberté, dans la nature, que tu as tant aimé. Je souhaite aller voyager, je souhaite. souhaite voyager. Bonne nuit. Bonne nuit, Rémi. Je souhaite m'en aller avec mon chat voyager. Avec mon chat voyager. Tiens, c'est pas en boucle. Attends. Désolé. J'arrive pas à bien caler mes boucles. C'est fou ça. Thank you. On n'a pas assez de bébés, il faut 32 ou 64 peut-être. Oh, ça va pas quoi. Salut bro, hey, voyager, je souhaite voyager, changer d'atmosphère, voir d'autres frères, la nature, je vais marcher avec mon chat. Des gens gentils, sympas. Va visiter les lieux, parcourir la France. Rempli de bonheur, parcourir la France. Rempli de bonheur, avec mon sac à dos et mon chat. D'autres horizons. Je veux voyager pour d'autres horizons. Crée l'ennui. je respire est irrespirable et je veux changer d'air. Laissez-moi partir au loin d'ici. Laissez-moi construire ma vie au loin. Laissez-moi partir de ce lieu festé. Laissez-moi partir au loin. change my world. Change my world. Change my world. I just wanna change my world from there and change my place. Change my world, Lord. I just wanna change my world. For a better day, I wanna change my world. I wanna change, Lord, my world. There forever. Yeah. just one night. Just one night with love in my life. Just one night, loin de tout ça. sont mes frères. Les humains aussi. Une vie plus que naturelle pour moi. Une vie plus que naturelle.